pas fan ni envieux, mais peut-être un peu des deux. Je cherche tes défauts en traduisant tes mots. Et si on s'accouplait, oh le temps d'un couplet, dans ma langue ou la tienne, dis-moi celle qui te gêne. Parmi ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament, il y a celui qui rivalise et qui s'acharne. Quand t'es du haut, ce gars, je veux que ce soit moi. Véronica, oh, oh, oh, Véronica, oh, oh, oh. Parmi ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament, il y a celui qui rêve qui s'acharne. Donc t'es du haut, ce gars, je veux que ce soit moi. Thank you.